glace dans mon ventre aujourd'hui. C'est inconnu, ouais, je les connais bien. Je sais que je vais encore avoir des ennuis. C'est un plan. Le docteur m'a dit que c'était viral.